Alors, je vais commencer par vous dire que ce titre ne correspond pas exactement à ce que je vais vous dire, et que par ailleurs, je crois que j'ai été un peu trompée sur l'exercice. À voir cette salle remplie d'étudiants, je me dis que j'aurais dû faire quelque chose qui ressemble un peu plus, en effet, à une communication à la cour, et moins à une mise au point sur l'historiographie. La difficulté de l'exercice étant que je ne voudrais pas vous assommer avec des titres, des noms, à la fois d'historiens et de notions, et en même temps de rendre compte effectivement des spécificités de l'histoire, à la fois de la période et de la région, qui est proposée au concours cette année. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un peu entre les deux. Il m'avait été demandé d'insister sur ce que je connais le mieux, c'est bien, mais ce n'est pas forcément toujours l'exercice le plus facile. Donc je vais faire quelque chose qui va s'articuler en deux temps. Le premier, c'est peut-être quelque chose d'un peu général sur le début de la période et sur la manière d'appréhender les sociétés, disons, entre 1876 et, disons, pour mettre une borne, la fin de l'Empire ottoman. Et la deuxième, c'est à partir de l'histoire des femmes, qui est une de mes spécialités, d'essayer de comprendre comment on peut en effet faire une histoire comme les autres. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il faut garder en tête que je parle à partir de mon cœur de spécialité, disons, qui est les provinces arabes de l'Empire ottoman, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Syrie, Liban, disons Palestine, au plus près, et éventuellement les pays de langue arabe, c'est-à-dire ça va jusqu'en Égypte et en Irak. Et donc, l'une des premières choses qui me semble difficile pour aborder ce programme, c'est d'en saisir la chronologie particulière. Il démarre en 1876, et effectivement, on peut y voir une scansion très évidente, pardon, qui est celle de la proclamation de la Constitution ottomane. Et on est immédiatement, en entrant par cette porte, plongé dans des débats qui concernent ce qu'on appelle la modernisation de l'Empire ottoman, au sens large, sa transformation par la voie des réformes, qu'on appelle souvent, vous verrez dans le texte, Tanzimat, par le mot ottoman. Dès qu'on entre dans ce champ historiographique, comme je pense à la plupart des champs qui sont concernés par ces questions de modernisation ou ces processus de modernisation, on entre dans des discussions qui sont très complexes sur ce qu'on peut attribuer, disons, à l'œuvre institutionnelle et politique de l'Empire ottoman, et ce qui est évidemment les bouleversements endogène des sociétés ottomanes au tournant donc, de 1876. C'est pour cela que j'avais proposé évidemment de prendre les choses de manière un petit peu non spécifique et de considérer que ces questions sont des questions partagées sur d'autres domaines et qu'elles peuvent être, disons, transférées sur la question de l'Empire ottoman. De manière générale, si on prend la période qui nous est proposée, on pourrait dire qu'on passe de l'ère des empires à l'ère des États-nations, entre 1876 et 1980. Ça serait, disons, un chapeau général qu'on pourrait poser sur la période. Alors, dans un premier temps, on pourrait caractériser cette première période par le fait qu'elle est le temps des réformes, le temps des Tanzimat. C'est une approche qui a longtemps dominé l'historiographie et qui consistait, disons, à suivre de manière chronologique l'ensemble des réformes qui sont imposées à l'intérieur de l'Empire ottoman et en comprendre ensuite l'application ou la difficulté d'application à l'intérieur des différents champs. Et dans ce cas-là, on peut prendre, par exemple, en effet, l'imposition du système de Millet en 1856, ou la réforme de la propriété foncière, à certains niveaux, et à chaque fois essayer de comprendre comment ces réformes transforment les sociétés et les sociétés locales. C'est une approche par le haut qui continue d'être intéressante, il faut le souligner, et je pense que dans le cadre de ce programme, il faut absolument remonter un peu en amont, hein, et c'est comme souvent, essayer de comprendre à partir d'où on peut comprendre la date de 1876, à partir de ces différentes tensions qui sont celles des réformes. C'est une approche qui est aussi, on pourrait considérer comme une approche par le haut, puisqu'elle considère que ces réformes ensuite doivent avoir une influence à l'intérieur des sociétés. La deuxième approche de ce temps des réformes est une approche qui consiste à essayer d'insérer ces réformes à l'intérieur d'un contexte plus global et dans lequel l'Empire ottoman est une des parties des transformations qui affectent, au sens large, l'espace méditerranéen, mais bien plus loin, aussi l'ensemble de la région qui va, disons, de la Grande-Bretagne à la Russie, en allant jusqu'en Iran. Et dans ce cas-là, il y a eu des débats relativement importants sur, disons, la capacité de l'Empire ottoman à développer des réformes qui lui soient spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'historiographie a été longtemps, disons, dominée par des questions relatives à l'importation ou à l'exportation de ces réformes. Ces réformes à l'intérieur de l'Empire ottoman auraient été des réponses à des pressions exercées par les différents empires coloniaux, par exemple, mais aussi des rivalités entre ces différents empires. Et dans ce cas-là, on peut en voir l'émergence et la consolidation autour d'épisodes qui sont, par exemple, la guerre de Crimée ou alors le congrès de Berlin, on est toujours dans les mêmes dates, hein, au milieu des années du 19e siècle, qui sont des éléments déterminants pour inciter l'Empire ottoman à ces transformations. Dans ce cas, on peut observer que, en effet, ces réformes correspondent à des réformes qu'on voit s'accomplir ailleurs, en Europe par exemple, les grands empires européens à la même époque, et qui consistent à ajuster la forme impériale à, disons, une modernisation qui lui serait plus ou moins extérieure. Alors cette historiographie, là aussi, on peut en garder un certain nombre d'éléments, notamment l'idée selon laquelle, évidemment, l'Empire ottoman n'est pas un isolat, il n'est pas considéré comme un îlot fermé aux influences extérieures et surtout au développement de l'ensemble de la région. Et donc, j'y reviendrai ensuite dans le cœur de ma présentation, essayer de comprendre comment, à l'intérieur du développement économique, notamment de la Méditerranée, mais aussi de ce qu'on appelle la première mondialisation, l'Empire ottoman développe ses réformes comme une réponse à ces transformations. Les facteurs, donc, disons, internes et externes, sont à considérer dans un même mouvement. De la même manière, on peut considérer qu'une des grandes thématiques de ce programme, qui est la question des aspirations nationales ou des émancipations nationales au sein de cet espace, est une thématique qui est partagée très très largement, bien sûr, on le sait, dans le cadre européen, dans ce qu'on appelle, généralement le printemps des peuples européens, toujours à partir de la première moitié du 19e siècle. Voilà les éléments dans lesquels, disons, s'insère l'historiographie actuelle, ou ce dont elle hérite, hein, comme type de questionnement sur ce dernier tiers du 19e siècle. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est les approches qui dominent, hein, sur la compréhension de cette période de l'Empire ottoman, et en particulier au sein des provinces arabes, donc ce que je connais le moins mal, sont des approches qui, à la fois, considèrent ces approches globales et institutionnelles comme absolument nécessaires, mais tentent à montrer comment le développement spécifique de ces régions, à l'intérieur de l'Empire ottoman, ont pu amener les pouvoirs centraux de l'Empire ottoman, mais aussi de plus en plus les pouvoirs locaux, les chefs, par exemple, municipales, les chefs locales, et je crois qu'il y en sera question plus tard, est de plus en plus envisagée comme une source de compréhension des logiques, y compris impériales. Donc, dans l'articulation des différentes échelles, on arrive à une compréhension plus fine à la fois des logiques des réformes et aussi de leur application. Et ensuite, le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est la question, là encore, sur les échelles, cette fois les échelles spatiales. Si on prend ce qu'on appelle, disons, le monde arabe aujourd'hui, disons, le monde dans lequel la langue arabe est la plus partagée, la question, par exemple, des appartenances et des échelles d'appartenance peut être travaillée de plus en plus finement en essayant de faire varier les différentes conceptions de ces appartenances. Je prends juste donc quelques exemples pour essayer de vous faire saisir la complexité de ces appartenances au début de la période. Elles sont à la fois des appartenances au sein de l'Empire ottoman, des appartenances nationales, qualifiées nationales, et confessionnelles, comme vous savez peut-être déjà. L'appartenance professionnelle, est la définition qu'on pourrait considérer comme première au sein de l'Empire ottoman, qui est définie par sa confession d'origine dans un premier temps. Mais le jeu des transformations de l'Empire, dont j'ai essayé de voir comment elles peuvent être balisées, rend l'articulation entre nationalité et confession de plus en plus complexe. Alors, quand je dis complexe, ça veut dire imbriqué, en l'occurrence. Ces données sont extrêmement importantes à comprendre pour ne pas, dans l'approche que vous aurez de la région, essayer de ne pas toujours mêler confession et nationalité. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut les scinder et les articuler les unes aux autres. Peut-être c'est utile que je fasse quand même un premier balayage sur les différentes confessions de l'Empire ottoman, très très rapidement, juste pour dire que voilà, si on prend l'ensemble musulman, par exemple, on aura à l'intérieur, vous le savez certainement, les sunnites et les chiites, mais on aura aussi les druzes ou les alaouites, qui sont des sectes musulmanes, plus ou moins reconnues, plus ou moins assimilées à l'intérieur d'un ensemble musulman. Si on prend, le plus compliqué, c'est les chrétiens. Donc si on prend les chrétiens, on aura évidemment les orthodoxes, les catholiques et les protestants, et à l'intérieur, quasiment l'ensemble des schismes qui ont eu lieu à l'intérieur de l'Empire byzantin et ensuite. À l'intérieur de ces sectes chrétiennes, alors on aura les Syriaques, les Grecs orthodoxes, les Maronites, il y a une différenciation qui joue à la fois par rapport au schisme en question, donc l'appartenance à une église plus ou moins centralisée, donc avec un référent à Rome, avec un référent russe ou avec un référent grec dans le cadre d'une église structurée, mais aussi par le jeu plus institutionnel de l'Empire ottoman, une appartenance nationale. Je mets des guillemets parce que c'est une appartenance nationale qui ne signifie pas que tous les membres de cette église font partie de la nationalité en question. Alors, de quoi s'agit-il ? On a ici l'auteur d'un article absolument fondateur sur cette question-là, le monde pluriel des Ottomans, pour un argent que vous entendrez cet après-midi. Il s'agit d'essayer de comprendre comment l'Ottoman, ou les Ottomans, ont des appartenances qui sont d'emblée plurielles. Le jeu des nationalités il s'effectue à partir de ce qu'on appelle les capitulations, le système des capitulations, notamment. Il peut se... Comme vous le savez peut-être, ce système des capitulations est un système très ancien à travers l'Empire ottoman. Il existe depuis 1536, et donc à partir d'un accord entre la Sublime Porte et d'abord François Ier, puis d'autres puissances européennes, qui est un système de protection des nationaux de ces différents pays à l'intérieur de l'Empire ottoman. Là, c'est donc le fonctionnement, disons, basique des capitulations. Mais à partir de là, ce système des capitulations a été utilisé pour offrir une protection à des citoyens originaires de ces pays-là, mais aussi à des sujets ottomans qui sont protégés par les consulats de ces pays-là. C'est pour ça qu'un certain nombre de sujets chrétiens, par exemple, qui sont protégés par une église qui a son siège parfois en Europe, peuvent être aussi des sujets protégés par un système de capitulation. Et donc, dans ce cas-là, ils pourraient être considérés assimilés à des sujets européens. J'espère que c'est assez clair. C'est dans cette superposition, à la fois de protection et d'appartenance, qu'on peut essayer de comprendre la complexité de ces sociétés. C'est à partir de ces différenciations d'appartenance qu'on a notamment dans l'historiographie, tout un pan de l'historiographie de la région qui concerne ce qu'on appelait le cosmopolitisme. Et donc là, c'est souvent sujet à des difficultés de compréhension, voire à de vrais contresens. Ce cosmopolitisme, il ne doit pas forcément être uniquement compris comme un cosmopolitisme urbain tel qu'on le comprend en Europe dans des grandes capitales, même s'il y a une dimension de ce type-là, c'est-à-dire des grandes villes du Moyen-Orient où on voit se côtoyer des nationalités différentes, des gens venus d'espaces différents, mais aussi il est endogène au sens où la société ottomane, disons locale, est elle-même rendue cosmopolite par ces différentes appartenances. Voici comment, donc, à partir de à la fois des transformations institutionnelles de l'Empire, mais aussi la réalité des circulations à l'intérieur de l'espace, on peut essayer d'approcher des sociétés qui sont souvent difficiles, disons, à comprendre. Je ne reviens pas sur les dates, parce que j'avais... je pense que c'est des choses qui sont assez faciles à trouver. Hein. La création des minières, la création de la notion de sujet protégé à l'intérieur de l'Empire, c'est des choses qu'on trouve assez facilement dans les grandes synthèses. Je veux revenir sur le deuxième aspect, qui était cet aspect, donc après cette question d'articulation, disons, entre les réformes et la réalité, disons, des sociétés ottomanes. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est justement l'idée de ce contexte global de ces réformes et la manière dont on peut insérer ces réformes dans l'ensemble de la région. Il ne faut pas, me semble-t-il, oublier, quand on travaille sur cette région, je l'ai dit, il ne faut pas l'isoler comme une sorte d'Orient éternel qui serait à regarder d'un peu loin, comme quelque chose de très bizarre. Hein, là, ce que je vous ai dit, vous avez peut-être paru déjà assez bizarre. Mais... Cette espèce d'étrangeté qui a été, pour le dire, construite par toute une littérature, tout un travail sur l'Orient éternel, il faut l'insérer dans une phase d'expansion coloniale qui, à l'époque qui nous intéresse, c'est dans ce qu'on pourrait appeler une seconde vague. Et l'Empire ottoman est directement concerné par les dispositions coloniales, les transformations coloniales qui lui sont contemporaines. D'abord parce que lui-même, en tant que vieil empire, va se développer sous l'influence des menées coloniales qui l'attaquent directement, puisque une partie de l'Empire ottoman est conquis par la puissance coloniale européenne, hein, évoquée de la conquête de l'Algérie, de la Tunisie, mais aussi les influences plus indirectes hein, qui se précisent au cœur de l'Empire, hein, aussi bien dans le Levant qu'en Égypte, par exemple. La deuxième manière dont l'Empire est affecté par le développement impérial, c'est par son aspect économique. L'Empire ottoman est un lieu évidemment clé pour le développement des circulations impériales, notamment par l'installation d'un réseau de transport de train en particulier. Vous verrez probablement dans l'imprégnation que vous aurez avec le programme qu'il sera souvent question de trains, de tramways, de canaux et de chaînes de circulation qui affectent la région et qui, dans cette période-là, se développent très très largement. Avec ce développement des transports et des ports et des circulations par le percement du canal de Suez, par exemple, se transforment les sociétés elles-mêmes. Bien sûr, par le développement de pôles portuaires et urbains, ça je pense que c'est des choses qui sont relativement bien traitées et connues et sur lesquelles une bibliographie assez abondante est disponible, parfois pas toujours uniquement en langue française, mais pour des monographies de ports de la région, que ce soit Alexandrie, Beyrouth, mais aussi Istanbul bien sûr, Smyrne, sont disponibles et relativement connues. Ce qui est plus récent et peut-être aussi intéressant pour vous, c'est précisément ce qui concerne la transformation des sociétés, qui est au cœur du programme, notamment par l'importance des migrations, de l'immigration vers l'Empire ottoman, et notamment les migrations ouvrières, qui ont très très largement essaimé dans ces grandes villes portuaires, où on trouve, c'est bien connu, des Italiens étaient en grand nombre, mais aussi des Grecs, des Maltais, des Chypriotes, des Arméniens, qui sont embauchés pour travailler sur les ports, pour construire les voies de chemin de fer, pour travailler dans les sociétés de tramway, etc., etc. Donc, évidemment, l'un des intérêts, l'une des ironies hein, de l'étude de cette période dans l'Empire ottoman, c'est d'étudier cette vague migratoire inversée par rapport à celle qu'on peut connaître aujourd'hui, auquel on est habitué. De nombreux travaux récents, disons à partir des années 2010, hein, se sont consacrés à cette question des diasporas à l'intérieur de l'Empire ottoman. J'évoquerai simplement le collectif qui a été dirigé par Anthony Gorman et Susie Kasparian en langue anglaise, qui s'appelle Diasporas of the Middle of the Modern Middle East, publié en 2015, qui réunit une série d'études justement sur ces migrations, cette communauté migrante à l'intérieur de l'Empire ottoman. Là aussi, l'un des enjeux de l'étude de ces réalités sociales-là est de ne pas les isoler par rapport à un hinterland de l'Empire ottoman. J'ai parlé des routes, des chemins de fer, des ports. S'il y a des routes, des chemins de fer et des ports, c'est aussi parce que à l'intérieur des terres se développent de plus en plus des cultures commerciales articulées à cette première mondialisation. Vous verrez l'un des points, disons, noirs de l'historiographie de cette période et de cette région, c'est encore aujourd'hui celle qui concerne les mondes ruraux. On a très très peu de choses à disposition, en tout cas accessibles, et accessibles au grand public, mais pas simplement accessibles au grand public, disons, accessibles y compris à la discussion historiographique avec... pour les spécialistes. Je fais juste un tout petit peu de publicité. Dans quelques semaines va sortir un livre que j'ai coordonné au Seuil, sur lequel on a une partie qui concerne les mondes ruraux, et il y a un point sur l'historiographie des mondes ruraux qui est fait par Mehdi Sakatni, qui est un doctorant qui travaille sur les mondes ruraux en Syrie. Et je pense que c'est très utile de savoir comment, jusqu'à présent, cette question du monde rural a été un peu éclipsé, disons, par les sirènes et les joies et les fastes des villes, et en particulier des villes portuaires. L'une des clés pour s'approprier cette dimension-là, c'est peut-être quand même déjà d'articuler le développement des villes portuaires et des mondes urbains avec un développement, une transformation des mondes ruraux. C'est-à-dire que la transformation globale consiste à dire, disons, que ces mondes ruraux se tournent hein, de plus en plus vers une économie commerciale mondialisée. Et là, pour le coup, on a des monographies, des études hein, sur le coton, aussi bien en Égypte que dans la région d'Adana en Turquie, sur la soie, bien sûr, avec l'étude classique sur le Mont Liban, faite par Dominique Chevalier, qui est officier ici, complètement. Sur ces grandes cultures commerciales, on a un certain nombre d'informations. J'oublie aussi les agrumes issus de Palestine. Disons, ce type de choses permet d'articuler, d'essayer de comprendre les transformations dans leur spatialité la plus complète. Donc voilà, comment, les réformes qui affectent l'Empire ottoman peuvent être comprises à l'intérieur d'une transformation plus endogène et d'une articulation, d'une insertion de l'Empire ottoman dans une mondialisation, dans un espace d'échange plus global. Donc dans ce contexte tel que j'ai essayé de le décrire, l'historiographie avait eu tendance à se pencher sur ce qu'on appelle le cosmopolitisme des élites, qui était bien étudié pour les villes de Smyrne, de Salonique ou d'Alexandrie. Quand je dis que c'est les élites, c'est qu'on avait tendance à les voir avec le prisme, du quatuor d'Alexandrie, en voyant comment des élites multiculturelles, parlant de multiples langues et échangeant entre elles en français, pouvaient fabriquer au tournant du XIXe siècle un mode de vie ottoman de plus en plus européanisé et de plus en plus articulé à une mondialisation des élites. Tout ceci reste vrai. Je pense qu'effectivement, dans l'étude des mondes ottomans, il faut tenir compte de ce cosmopolitisme des élites, mais il faut lui ajouter un cosmopolitisme des ouvriers et des gens plus modestes, qui lui ouvre tout un champ d'exploration aujourd'hui à l'étude, des dangerosités urbaines, des marginalités, de leur traitement à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et c'est dans ces tensions-là aussi, entre un monde ouvrier, des mondes ouvriers, considérés de plus en plus par les autorités ottomanes comme quelque chose qu'il faut contrôler. Donc je renvoie aux travaux sur la police, par exemple, de Noémie Lévy, qui permettent de comprendre aussi comment l'Empire ottoman répond à ce qu'il considère comme des menaces sociales. Et d'un autre côté, un monde ouvrier, des mondes ouvriers qui s'organisent et dans lesquels il y a des circulations, en termes évidemment de reconnaissance de droits, d'organisation syndicale, une diffusion notamment des idées anarchistes dans l'Empire ottoman avec l'arrivée notamment des ouvriers italiens, etc. Donc là, c'est tout un pan des réalités sociales qui ont été étudiées, ces 10-15 dernières années, de manière assez intensive et par un certain nombre de travaux. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour aller faire, je vais essayer de ça. Donc tout ça pour dire que pour comprendre ce début de période, il faut toujours articuler ces différentes dimensions. J'insiste sur le fait que les relations sociales à partir de 1876 et après, moi, je suis sûre, absolument certaine que je n'irai pas jusqu'en 1948, ça je vous le garantis. Si je reste déjà sur le début et que j'arrive à dire ce que j'allais dire, ce sera bien. Comment elles sont affectées par ces différentes dimensions et comment on peut arriver à mieux les comprendre en faisant varier les échelles. Bon, j'avais prévu de parler un petit peu plus des mondes ruraux. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je vais vous renvoyer simplement sur cet ouvrage qui va sortir, mais aussi peut-être à l'article, à la collection d'articles, mais surtout à l'article de Nicolas Michel, qui a été publié en 2005, qui s'appelle « Ottomanisme et ruralisme », et qui a aussi fait le point sur ces questions d'historiographie des mondes ruraux à l'intérieur de l'Empire ottoman. Je vais d'autant moins en parler que moi-même, je suis absolument pas spécialiste de tout ça, et je pense qu'il est nécessaire d'être relativement précis sur les questions concernant les mondes. La seule chose que je voulais ajouter qui concerne des choses qui sont directement liées à ce que je connais, c'est le lien et la manière dont ce lien est important dans la compréhension, en tout cas des provinces arabes, entre un autre lien qui concerne le monde rural et le monde urbain, et ensuite les mondes politiques, c'est celui qui fait que dans les transformations qui affectent les mondes ruraux et qui, qui concentrent la production vers la production commerciale, on a aussi, dans cette période de modernisation, la création, disons, d'une classe de propriétaires absentéistes qui a une place extrêmement prépondérante dans l'histoire, disons, des États mandataires et, disons, post-ottomans dans la région. Tout ce qui est les études qui ont concerné les élites irakiennes, syriennes, jordaniennes aussi, dans les années, disons, 1920, 30 et 40, concerne ce fait majeur d'une présence d'élite urbaine dont le fondement clientéliste repose sur un monde rural où elle possède des terres mais où elle n'habite pas. Là aussi, c'est un des lieux de l'historiographie de la région qui est aujourd'hui très contesté. On a longtemps considéré que ces élites finalement levaient leur clientèle à l'intérieur d'un monde rural obéissant, post-féodal. Là, vous trouvez toutes sortes de dénominations sur cet espace-là. Aujourd'hui, les approches qui concernent le monde rural dans ces régions ont tendance à réévaluer, par exemple, le rôle de décolonisation, des périodes mandataires dans l'attribution à la fois de terres, bien sûr, mais aussi de pouvoir politique à l'échelle locale, qui rendent le jeu un tout petit peu plus complexe que ce qu'on pensait, et à réévaluer aussi, l'influence, cette fois-ci, plus ancienne des réformes ottomanes et des différents registres de propriété. Je vais très vite, mais vous verrez que ce sont des choses qui sont, bien sûr, intéressantes en soi, mais qui affectent assez largement la structuration du champ politique, disons, après les indépendances, hein, où on avait l'impression d'avoir des parlements où on avait des notables ruraux qui étaient élus au Parlement. Et en réalité, ces jeux d'appartenance locale sont plus complexes qu'on ne le pense. Je dis ça très très rapidement parce que ça peut aussi vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement dans certains de ces régions. Je vais passer juste directement à la question des femmes. Comme une sorte de, disons, d'illustration de ce qu'on peut essayer de faire avec ce programme. Alors, à première vue, on pourrait penser que tout ce que je viens de vous décrire, les changements constitutionnels qui ouvrent en tout cas la période, n'affectent pas directement la vie des femmes. On peut prendre les différents éléments des réformes, ni la conscription universelle, ni l'égalité politique entre musulmans et non-musulmans ne sont conçus autrement que dans leur dimension masculine. Les codes de propriété foncier ou pénale, les réorganisations territoriales et administratives ne concernent pas a priori le droit des femmes ni leur statut. Donc, on peut penser qu'effectivement, elles ne sont pas concernées par tout ça. Évidemment, ce n'est pas une raison pour ne pas les considérer à l'intérieur de ces transformations. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ces transformations modifient en réalité le statut des sujets de l'Empire ottoman et les échelles de gouvernement et l'articulation entre les différents niveaux de référence. Tout ceci a des conséquences directes ou indirectes sur la vie des femmes. Notamment dans la différenciation progressive qui s'opère entre les sphères du privé et du public. Là, j'ai vraiment malheureusement pas le temps de développer l'effet de ces réformes sur cela. Mais quand même, on peut par exemple prendre la séparation entre un code civil et des traditions de plus en plus instituées à l'intérieur des professions. Ces aspects-là ouvrent des alternatives nouvelles éventuellement pour la vie des femmes, ou alors peuvent bloquer un certain nombre de transformations. De la même manière, l'intrusion des puissances coloniales et le regard qu'elle porte sur les questions relatives aux femmes joue un rôle déterminant, quoique souvent difficile à interpréter. Évidemment, il n'y a pas de lien direct entre émancipation des femmes et installation d'une domination coloniale, voire, j'allais dire, bien au contraire. Donc, cette histoire, elle a un intérêt, enfin, la prendre par la question des femmes permet d'abord de rendre compte du développement d'une historiographie spécifique sur les femmes que je peux peut-être vous distribuer à côté, je vais vous épargner les listes de titres. Mais en tout cas, il faut noter que depuis, disons, les années 2000, fin des années 90, mais disons surtout depuis les années 2000, toute une littérature consacrée aux femmes, mais aussi aux questions des liens entre nation et genre dans le monde arabe, s'est développée, essentiellement en langue anglaise. Que le Journal of Middle East Women's Studies a été fondé en 2004, hein, donc on est dans ces années-là, et que depuis, un certain nombre de numéros spéciaux, d'ouvrages collectifs, etc., ont été consacrés à cette question qui est sensible, moi je considère qu'elle constitue, disons, l'une des questions d'Orient. Comme on a une grande question d'Orient, une question de Palestine, comme dit Henri Laurence, je pense qu'il y a aussi une question des femmes qui se construit de manière, enfin qui se construit sur le temps long et dont on hérite aujourd'hui sur les questions des liens entre femmes et islam, par exemple, et femmes dans le monde arabe. Je ne développe pas tout ça. Je veux juste montrer comment on peut approcher la question des réformes par les femmes. D'abord, une des premières manières de la comprendre, c'est de la comprendre par la réforme des femmes. Donc comment les femmes participent elles-mêmes à ce mouvement des réformes. Je me rends compte que je n'ai pas encore parlé de mon cœur de spécialité, mais du coup je vais finir par en parler par les femmes. À partir de la fin du 19e siècle, hein, se développe dans le monde arabe ce qu'on a appelé la renaissance intellectuelle arabe, ou l'Arba en arabe, dont un des pans est porté par des femmes, ou concerne des femmes, dans ce qu'on appelle la Narda féminine, en arabe Narda Nisaïa. Et donc, dans ce mouvement de réforme intellectuelle cette fois-ci, qui accompagne les autres réformes dont je vais vous parler, les femmes ont une place toute particulière. La première chose qu'il faut noter, c'est que là aussi, dans l'historiographie traditionnelle, la Narda Nisaï à la réforme féminine est d'abord incarnée par des hommes. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Les dates, les noms les plus connus, les scansions les plus traditionnelles de cette histoire concernent des hommes, hein, et en particulier quelques-uns d'entre eux, le plus connu étant Qasim Amin. Je ne sais pas s'il faut que je... Mais bon, c'est... Amine, comme Amine, après, non, c'est Amine. C'est daté 1863-1908. Ou alors, Rifer Al-Fat Tartawi, dont vous avez peut-être entendu parler du voyage à Paris, qui est un imam égyptien, je vais revenir sur tous ces gens, hein, donc c'est daté 1801-1873. Ou l'historien et romancier Georges Zaidan, là aussi en Égypte, mais d'origine syro-libanaise, 1861-1914. Il y en a d'autres, de plus récents, mais disons que quelques-uns de ces personnages sont intéressants. Qasim Amin est le plus connu, c'est le plus célèbre donc, des réformistes qui se sont intéressés à la question de la femme, puisqu'il a publié en 1899 un ouvrage célèbre intitulé « La libération de la femme ». Et l'année suivante, un essai qui s'appelle « La femme nouvelle », qui est une sorte de complément à « La libération de la femme ». Alors, comment se situe ce discours sur la réforme féminine, disons, à partir, on est donc à la toute fin du 19e siècle, au moment où ces questions deviennent publiques. De manière vraiment à grands traits, hein, la femme qu'il s'agit de libérer dans la perspective de Ras et Mamine, c'est, je le cite, hein, la sœur de l'homme, la compagne du mari, l'éducatrice des enfants, la cultivatrice de l'espèce. On voit bien que la femme est prise, disons, comme un objet qui mène à l'homme, hein, si je puis me permettre. Ce qui prime, c'est la science, ça c'est le, disons, le fondement, hein, le socle commun de la Renaissance arabe. Et à travers, dans cette démarche-là, d'accès à la science, la femme a un rôle tout particulier puisqu'elle est l'éducatrice des hommes. Et donc cette approche-là, c'est l'approche dans la plus commune des auteurs de la Narda. Et il faut noter quand même que ces hommes-là, en particulier Amine, adoptent la question féminine comme un point d'entrée, mais un point d'entrée privilégié vers la réforme globale de la société. Ça n'est pas un, disons, un appendice accessoire à la Narda pour eux. Ils engagent un débat sur cette question-là, ce qu'ils considèrent qu'une des causes de ce qu'ils appellent l'arriération des sociétés, c'est le maintien dans l'ignorance des femmes. Donc, ils considèrent les femmes, je cite là, comme les fondations de la tour de la civilisation moderne. Il n'est évidemment, à ses mamies, pas le premier à se pencher sur cette question de la condition féminine. On trouve des pages consacrées à la question des femmes dans de nombreux échanges, hein, de la Narda, et là, souvent de manière, disons, insérée à l'intérieur d'une réflexion plus générale sur l'émancipation sociale. Alors, on a souvent présenté donc, la naissance du féminisme arabe comme l'un des nombreuses entrées, de nombreux exemples, hein, pour revenir aux différentes historiographies dont je vous parlais tout à l'heure, de l'entrée de la région dans la modernité. Hein, on peut prendre ça aussi comme un exemple. Et souvent, cette question a été présentée comme l'un des exemples de l'emprunt à l'Europe d'un certain nombre de valeurs et de questionnements. Hein. Donc, le mouvement féministe arabe serait fils d'un mouvement féministe né en Europe. Effectivement, le mouvement féministe arabe s'articule à un mouvement mondial, hein, féministe. Les délégués arabes participent à l'ensemble des congrès féministes, hein, les congrès d'abord des suffragettes et des féministes internationales. Et il ferait partie, dans cette histoire internationale, d'un mouvement d'apportation de valeurs et de mode de vie moderne. Ainsi, dans cette historiographie, Tartawi, que j'évoquais tout à l'heure, aurait, dans son voyage, ramené, disons, de son voyage à Paris, également des principes concernant l'émancipation de la femme. Ceci est absolument vrai. Enfin, je veux dire, si on lit le texte de Tartawi, on entend un discours sur la femme qui ne débouche pas forcément sur des idées extrêmement féministes, mais qui en tout cas interroge la place de la femme de manière comparée entre Paris et Le Caire. J'essaie de passer des choses. Le deuxième élément traditionnel dans l'approche des féminismes arabes, il est, disons, presque inverse. Il consiste à les ancrer très spécifiquement dans une approche des textes et de l'islam. C'est-à-dire, le féminisme arabe trouverait son inspiration chez les réformateurs musulmans, essentiellement dans l'étude des figures, par exemple, féminines du Coran. Et donc, ce serait les deux, si vous voulez, les deux attaches générales. Dans un cas, un produit d'importation, et dans l'autre, un produit très, très, très spécifique et local, et essentiellement musulman. Donc, dans ce cas-là, il faudrait trouver une voie spécifique, une voie islamique pour le féminisme, ou alors, au contraire, ne pas séparer la modernisation avec l'européanisation. Alors, c'est une des raisons, ces doubles attaches, qui font que la question de la société par les femmes a un intérêt, puisqu'elle permet justement d'essayer de comprendre ces mises en tension qui sont déterminantes dans l'historiographie de la région et de la période, entre... Oui, j'ai compris. Je reçois des papiers de partout. Je vais aller très très vite. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter comment on peut situer une question sociale particulière, celle des femmes, et voir comment elle se rattache à des questions plus générales. Je ne veux pas finir ce propos sans dire que des réponses quand même à ces dichotomies artificielles et d'aller chercher des sources à la fois locales, mais là en l'occurrence aussi féminines, c'est-à-dire que sortir aussi d'un discours indirect sur les femmes et d'essayer de comprendre à la fois ce qu'elles produisent en termes de militantisme féministe et de textes et de par exemple de textes littéraires ou des textes auxquels on pourrait avoir accès qui seraient publiés par des femmes, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée de la manière dont les femmes elles-mêmes se rattachent à ces dichotomies qui semblent pourtant fixées dans le marbre par l'historiographie. Nous avions prévu, et nous continuons à prévoir, un temps de questions. Donc, est-ce que dans la salle, certains voudraient intervenir et poser des questions ? Alors, nous n'avons pas de micro-baladeur, si je puis dire, donc merci de parler assez fort. Oui, bonjour. Je voudrais t'interroger à propos d'un article que tu as fait en 2021 sur la Première Guerre mondiale et qui se rattache à ton propos d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le rôle des diasporas dans la professionnalisation de l'espace syro-libanais. Alors, ma question, c'était est-ce que tu l'as un peu documenté et par où il passe ? Ces diasporas du Brésil ou d'Afrique occidentale qui viennent en aide à la population. Alors, pour ma part, je l'ai surtout documenté côté Amérique du Nord, puisque mon accès était par le marge des intellectuels que je connais bien et la manière dont ils ont à la fois collecté des fonds, publié, essayé de mobiliser des gens à partir de 1916, hein, autour de fin 1915, début 1916. Il y a toute une série de sources disponibles là-dessus qui sont essentiellement des journaux communautaires, mais ils sont étrangement très faciles d'accès. Pour beaucoup, ils ont été numérisés, on les trouve aussi dans des associations de Syro-Libanais de la diaspora qui ont fait un travail de mémoire assez important. Et de mémoire, il y en a même un qui est numérisé dans Gallica, bizarrement. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que je vais retrouver le nom tout de suite. Je pense que ça s'appelle El Funun, c'est un des journaux les plus... c'est-à-dire les arts, et où on a, par exemple, tous les poèmes de Lihani, de ces gens comme ça, qui appellent à se mobiliser pour, au moment de la famine, en particulier au Mont-Liban en 1916. Donc c'est cette documentation-là qui permet aussi, on en trouve les traces, comme moi j'ai pas fait de terrain en Amérique du Sud par exemple, ou en Afrique, ce que j'ai comme trace, c'est les courriers de lecteurs qu'on a dans les journaux, cette fois-ci syriens ou libanais, mais qui souvent pendant la guerre sont publiés en Égypte, et on voit une correspondance assez intensive avec des délégués, hein, ils les appellent souvent des délégués, qui sont dans les zones de la diaspora, dans les marges divers, et qui rendent compte du fait qu'ils ont organisé telle réunion publique, qu'ils ont pu réunir telle somme d'argent, etc., etc. Et donc ces réseaux-là, on peut les reconstituer à partir, essentiellement à partir des journaux. D'autres questions ? Dans votre livre aux éditions La Découverte, vous parlez du féminisme comme un mouvement de séculier et tout, et là vous avez parlé d'un féminisme qui serait d'origine, qui chercherait ses fondements dans l'islam, et du coup je voulais savoir si vous aviez peut-être un auteur qui avait traité de la question en particulier ou une référence, un article, quelque chose que vous pouvez citer. Alors c'est compliqué parce qu'il y a à la fois beaucoup de travaux sur le féminisme islamique contemporain et assez peu de choses sur ses racines historiques. essayer de voir s'il y a quelque chose. Moi, j'écris un article sur une des actrices de cette articulation islam-féminisme, qui est Nazila Zenedine, sur la question du voile, dans le mouvement social il y a quelques années. On a aussi, disons, un certain nombre de travaux sur, non pas des femmes féministes qui sont revenues de l'islam, mais sur des réformateurs musulmans, comme Qasem Amin, qui traitent aussi de la question des femmes. Ça, c'est dans les choses très classiques sur le féminisme arabe, on trouve. Il y a beaucoup de travaux sur l'articulation nation et féminisme dans la période. C'est comme si, en fait, si on regarde la production, on a l'impression, pour le faire vite, que dans un premier temps, le féminisme et la nation marchent ensemble. Donc ça, c'est la première étape, disons, jusque vers les années 60, et puis qu'après, on aurait une sorte de tournant islamique, hein. Et donc, et dans les deux cas, avec une autre phase qui serait la phase séculière européenne. Donc, si on essaie de déconstruire tout ça, ce qui est en cours et ce qui se fait par plein d'études diverses, mais j'ai du mal à vous conseiller une chose, un article, c'est de voir que d'emblée, dans la période nationale, on a déjà une période aussi une réflexion sur l'islam qui l'accompagne. Ça, c'est peut-être mieux connu. Mais surtout que dans les années... Moi, ce que je pense, c'est que au milieu des années 20 et au début des années 30, les questions relatives à l'authenticité, j'ai pas le mot plus clair, mais la tradition, l'authenticité, deviennent fondamentales pour le travail sur la question féminine et sur le féminisme. Et c'est là que, du coup, ces questions deviennent plus séparées. C'est-à-dire, c'est bien, autant avant, il y a quelque chose de relativement commun, Dans le travail sur la question féminine, à associer à la fois l'islam, la nation, la culture, etc. Et après, dans le contexte colonial, tout ça se durcit de manière assez forte, et on a tendance à afficher la femme arabe, ou la femme musulmane, ou la femme émancipée, comme quelque chose qui a des caractéristiques, y compris d'ailleurs vestimentaires. Donc ça, la femme émancipée sera modernisée à l'européenne, etc., sans voile, la femme arabe, etc., etc. Donc c'est ce tournant-là qui est un petit peu traité dans diverses études, mais je ne pourrais pas vous en donner une en particulier. Il y a un ouvrage sur la Syrie qui est très très bien sur cette question-là, qui est l'ouvrage d'Elizabeth Thompson. Ça s'appelle « Colonial Citizens », c'est en anglais. C'est plus sur la relation entre le mandat français en Syrie-Liban et les sujets, les citoyens syro-libanais. Et la partie sur les femmes est extrêmement dense et très très intéressante. Nous avons encore le temps pour une question, si quelqu'un veut prendre la parole. Bon, moi j'ai une question. La marque que vous avez faite sur le lien entre monde rural, société rurale, élite et représentation politique m'a beaucoup intéressé, parce qu'on voit le même basculement dans d'autres historiographies sur d'autres espaces, notamment dans le monde latino-américain autour de la figure du caudillo, du caudillisme rural. C'est juste une curiosité, est-ce que vous pourriez en dire plus là-dessus? Sur cette question qui est vraiment fondamentale dans ma vie. Alors oui, je peux éventuellement dire plus, mais aussi il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Disons qu'il y a une étude assez classique sur les notables urbains de Philippe Rollet, qui concerne essentiellement les élites damascènes, qui travaillent beaucoup cette question. Alors en arabe, on dit les arimes, c'est un peu la même. C'est la même idée que le caudillo, c'est-à-dire cette personnalité qui réunit autour d'elle une clientèle et qui au moment des indépendances du coup va construire un système politique dans lequel cette clientèle lui permet d'acquérir des positions, de maintenir des positions. Dans le cadre des travaux, par exemple, sur la formation des partis politiques modernes dans la région, il est beaucoup question de cette articulation entre réseaux clientélistes à base rurale et idéologie moderne. Ça a été pas mal traité pour ce qui concerne les BAF, le BAF syrien et le BAF irakien, en essayant de montrer par exemple comment dans le cas syrien et comme dans le cas irakien, l'armée a pu être une sorte de, d'intermédiaire entre deux, pour passer à une forme politique moderne à partir de ces clientèles rurales. Disons que sont entrées dans l'armée de manière assez massive une espèce de petite classe moyenne rurale qui, par l'armée, a accédé à des fonctions politiques et, bon, parfois aussi, a pris le pouvoir de manière plus directe. Si je veux dire, si on prend le cas des Assad en Syrie, qui viennent de cette petite, toute petite, même pas bourgeoisie en fait, hein, petite classe moyenne rurale, qui suit un parcours via l'armée et ensuite accède à des pouvoirs. Ça se double hein, d'une dimension sectaire, dans le cas des Assad, mais aussi même dans le cas de l'Irak, qui rend les choses plus orientales, si je peux me permettre. Mais donc voilà, il y a aussi un appui aussi de plus en plus. Mais là, en l'occurrence, pour le voir de manière fine, il faudrait aussi comprendre comment la communauté alaouite a été... s'est trouvée assise hein, dans son pouvoir local du temps du mandat français, comment elle a construit pour elle-même un système d'alliance qu'elle n'avait pas avant le mandat, etc. Donc c'est toujours pareil, on peut dire des choses de manière générale, mais c'est toujours intéressant de couper ça avec une approche plus locale. Voilà, sur chaque exemple, ça peut prendre des voies un tout petit peu différentes. Éventuellement. Si quelqu'un veut poser une dernière question, nous avons encore quelques minutes.